Portrait, une émission de Mike Lécuyer qui vous propose en quelques titres de retracer le parcours de musiciens qui ont marqué l'histoire du blues et du rock. Portrait. Portrait J.J. Cale, l'anti-rockstar. Deuxième partie, les débuts de la consécration. Tout amateur de blues et de rock se doit de connaître J.J. Cale, soit pour ses propres disques, soit pour ses compositions reprises par de nombreux artistes comme Eric Clapton avec After Midnight et Cocaine, ou bien encore Lynyrd Skynyrd avec Call Me The Breeze et plein d'autres. J.J. Cale, de son vrai nom John Weldon Cale, est un auteur, compositeur, interprète et guitariste américain, né le 5 décembre 1938 à Oklahoma City, en Oklahoma, et mort le 26 juillet 2013 à La Jolla, en Californie. Bobby Keys one night, the saxophone player. Hey man. Bobby Keys, le saxophoniste, m'appelle un soir. Il me dit, dis donc, Eric Clapton a enregistré ton morceau. Sur le coup, ça m'a fait ni chaud ni froid. Jusqu'à ce que 6 mois plus tard, en allant à un concert, je l'entende sur une radio nationale. Tout le monde écoutait ma chanson. Alors du coup, j'ai décidé de devenir auteur-compositeur et plus simplement juste un simple guitariste. Nous sommes donc en 1970. J.J. Cale vivote à Tulsa, jouant dans les clubs de la ville, tandis qu'Eric Clapton vient de reprendre son titre After Midnight. C'est le coup de pouce du destin qui va peut-être le sortir de l'anonymat. C'est d'ailleurs ce que pense l'éditeur Audie Ashworth, qui l'invite à nouveau à Nashville pour lui faire enregistrer son premier album. À l'automne 1970, Cale enregistre seul quelques titres dans un petit studio avec ses guitares et pour la batterie, la boîte à rythme d'un orgue. Il va ensuite continuer dans un autre studio avec des musiciens embauchés par Audie Ashworth. La dernière touche est apportée par une section de cuivre qui est ajoutée sur 4 titres. L'ensemble des sessions coûtera moins de $4,000. Finalement, c'est un nouveau label qui va signer l'artiste, Shelter Records, créé par Denny Cordell et Leon Russell, que J.J. Cale connaît depuis Tulsa et Los Angeles. Mais Denny Cordell a une requête inattendue, enregistrer une nouvelle version de After Midnight. Tout d'abord réticent, J.J. Cale accepte l'idée et c'est une version plus lente qu'il va enregistrer en 1971. After midnight, we're gonna travel and shine. We're gonna cause talk and suspicion. Give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out. shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, and find out what is a holy bell. After midnight, we gonna let it all hang. Talking suspicion, give an exhibition, find out what it is on lay back. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna let it all hang out. Le disque sort pendant l'hiver. Le morceau qui ouvre le disque, Call Me the Breeze, propose une introduction assez étonnante, voire déconcertante. On entend la boîte à rythme seule, avec la voix parlée de Kell disant. Des ambiances feutrées, des tempos médiums, des enchevêtrements de guitare et une voix susurrée ou murmurée. Voilà le son, le style J.J. Kell, que l'on appellera laid-back, c'est-à-dire nonchalant, décontracté. Avec les premiers droits d'auteur de After Midnight, il achète une maison et du matériel pour améliorer le petit studio d'enregistrement qu'il avait construit avec son père dans la maison familiale. J.J. Kell peut désormais se considérer comme un véritable auteur-compositeur, car plusieurs artistes reprennent ce morceau au début des années 70. On en compte aujourd'hui plus de 80, dont deux adaptations françaises, l'une par Joël Daydet en 1976 et l'autre par Eddie Mitchell en 1978, toutes deux intitulées « Après minuit », mais avec des paroles différentes. Le premier single, Crazy Mama, rencontre un certain succès dans les charts américains avant de redescendre précipitamment après que Kell a refusé de chanter en playback dans une célèbre émission télévisée. Ça, c'est vraiment Kell. Crazy Mama. Thank you. Dans la foulée, un nouvel album, Really, est enregistré et publié en 1972, toujours sur le label Shelter, bien que J.J. Cale ait refusé un contrat $1 million proposé par Columbia. Ça, c'est toujours du Cale. Le disque comporte 12 titres, dont 2 reprises. Les sessions d'enregistrement se passent à Nashville et à Muscle Shoals. Le single « Lies Riding Home » sort en octobre et l'album en novembre 1972. You told me this, you told me that, you tried to tell me where it's at. You said you love me, I can't see through that. Lies, lies, lies. You left me hanging, hanging from a limb. You said you love me, then you left with him. Lord, you did it to me, I see it in your eyes. Écoutez Portrait, une émission de Mike Lécuyer. Same old hassle every night. La même année, Leon Russell revient s'installer à Tulsa avec Shelter Records et transforme une ancienne église en un studio d'enregistrement et un local de répétition pour J.J. Cale. En novembre 1973, Philippe Garnier écrit dans Rock'n'Folk numéro 82 le premier grand article sur l'artiste. Je vous propose d'en lire quelques extraits. Mais J.J. Cale est aussi un guitariste extraordinaire. Son jeu appelle des qualificatifs qui n'existent pas dans le lexique de l'Académie. Gritty, husky, funky, sharp, sec. Et surtout contrôlé, très contrôlé. Car J.J. Cale, avec tout son côté down home et laid back, fatigué et indolent, n'est jamais détendu. Mais J.J., même après minuit, ne déborde pas, ne se laisse jamais aller. Cette retenue, ce contrôle, cette façon qu'il a de brider et réprimer les choses, est une des caractéristiques principales de ces deux albums. C'est une musique qui réjouit, une musique croustillante, intense et riche, mais qui peut faire mal au ventre tant elle est tendue. Même quand il utilise une section de cuivre, rien ne vient entraver le flot naturel. Tout cela semble couler de source. De même, lorsqu'il change de crèmerie et s'en va enregistrer à Muscle Shoals, il obtient les mêmes effets. Parler d'une chanson plutôt que d'une autre n'a pas beaucoup de sens. On les aime toutes ou pas du tout. Les paroles sont souvent d'une simplicité extrême, murmurées, au bord de l'inintelligible. Elles parlent surtout d'absence, de femmes en fuite ou de bon temps. Ces chansons sont rarement autobiographiques, au sens anecdotique du terme. Elles reflètent plus un monde, une expérience qu'une histoire. Il est décidément bien difficile de faire une distinction entre les deux albums. Disons que Really est musicalement plus musclé, plus nerveux, mais le premier disque, Naturally, comporte quelques-unes de ses meilleures chansons. J.J. ne ressemble à personne, ne chante comme personne, et même sa guitare n'a pas d'équivalent. Il ne joue pas d'une Gibson ou d'une Martin, mais d'une vieille harmonie délabrée qu'il a amplifié lui-même. Vous devriez écouter ses disques, vous pourrez y entendre quelques-uns des meilleurs musiciens du métier et la voix d'un artiste unique, irrésistible et réellement original. children all the year good time. The blues they go for quite a while, guaranteed to satisfy. It's a real funky deal. Don't let it pass you by. Pendant que Philippe Garnier nous fait découvrir J.J. Cale dans Rock'n'Folk, le musicien enregistre Oki, son troisième album, qui sort en 1974. L'album Oki grimpera jusqu'à une modeste 128e place dans les charts et Cajun Moon ne sortira en single qu'en Europe, mais comptera quand même plus de 30 reprises au fil des années. Cajun Moon, what does your power lie? As you move across the southern sky, you took my bane way too soon. What have you done? Cajun Moon, someday babe, when you want your man and you find him gone just like the wind, don't trouble your mind whatever you do, 'cause Cajun Moon took him from you. Cajun Moon, why does your power lie? As you move across the southern sky, you took my babe way too soon. What have you done, Cajun Moon? When daylight fades and night comes on, you can hear the sound. Your mind, whatever you do, 'cause he got me like he got you. Cajun Moon. Cette première partie des années 70, et après Eric Clapton, de nombreux artistes vont puiser dans les trois premiers albums de J.J. Cale. Crazy Mama par Johnny Rivers en 1972. Magnolia par Poco en 1973. Whippoorwill singing, on a soft summer breeze, makes me think of my baby. In New Orleans, Bring It Back par Kansas en 1974, I Got the Same Old Blues par Captain Beefheart ainsi que le grand bluesman Freddie King, toujours en 1974. Have you heard the rumor? It's going around. You got a man way across town. Same old story. Tell me weather's in here. It's the same old blues again. I wrote you the letter. You must have read it wrong. I stood in your doorway. Took a long time to let the telephone ring. The same old blues again. When you give me the business, I don't mind. I got a lot of patience, I got a lot of time. Same old story, tell me where it's again. Same old blues again. Mais c'est le groupe américain Lynyrd Skynyrd qui va confirmer son statut de compositeur à succès en enregistrant la reprise du premier morceau du premier album de J.J. Cale, Call Me the Breeze. Le 33 tours de Lynyrd Skynyrd, Second Helping, qui contient le célèbre et polémique Sweet Home Alabama, va se vendre à des millions d'exemplaires et le titre de J.J. Cale deviendra un des moments forts de leur concert. We'll be right back. dans la troisième partie du portrait de J.J. Cale. Mr. Breeze. Cette émission s'est largement inspirée du très bon livre de Bertrand Bouard, J.J. Cale, paru en 2022 aux éditions Le Mot et le Reste. C'était l'émission Portrait. Bonsoir.